Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue pour cette nouvelle leçon Upper Intermediate. Ça va, je l'ai dit correctement ? Oui, pas mal. Ça va. Bonjour, JP, comment ça va ? Très bien, merci. Et toi, Amaury ? Très bien, je suis en pleine forme. Ok. Je suis content parce que nous avons une leçon qui va nous emmener dans la capitale française. Ok, Paris. Oui, puisque nous avons deux personnages qui sont à la recherche d'un appartement. Ok, Apartment Hunting, c'est le titre de la leçon. Oui, tout à fait. Et je peux t'assurer, JP, que chercher un appartement à Paris... Mm-hmm. C'est loin d'être une partie de plaisir. Okay. C'est difficile. C'est presque un cauchemar. Oh, non. Donc avant d'écouter le dialogue, nous allons donner un mot-clé. Enfin, ce n'est pas un mot-clé aujourd'hui, c'est une phrase-clé. Ok, c'est quoi la phrase-clé? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Ok. Seems too good to be true. Ah, ça me rappelle une chanson, ça. Ah ouais, c'est ça, c'est la chanson. Enfin bon, j'arrête. Donc je le répète juste encore une fois, ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est parti, on écoute le dialogue. Métro Arrêt Métier. Situé dans un quartier animé, dans un immeuble ancien, appartement sur cours. Deux pièces, 30 mètres carrés, troisième étage avec ascenseur, digicode, interphone, kitchenette, salle de bain, WC indépendant, lave-linge. Loyer, 1200 euros plus charge. Quoi ? 1200 euros sans les charges ? C'est trop cher. Vu le temps que tu passes sous la douche, c'est pas une bonne affaire. Dommage, l'emplacement était idéal. Dans le Marais, en plein centre de Paris. Bon, d'accord. Écoute ça. Métro Javel, dans un immeuble ancien. Deux pièces... Entièrement meublé, 30 mètres carrés, entrée, séjour, cuisine, salle de bain, WC séparé, cinquième étage sans ascenseur, interphone, gardien, 900 euros charges comprises. Et le petit plus, petit balcon avec vue sur la tour Eiffel. 900 euros charges comprises ? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Et puis, Javel, c'est un peu loin de mon boulot, tu trouves pas ? Oui mais bon, tu ne vas pas faire la difficile. Et c'est un quartier sympa, ça vaut au moins la peine qu'on y jette un coup d'œil. Surtout que l'appartement est à deux pas du métro et du RER. Et la caution ? De combien elle est ? Le proprio demande une caution de 2 mois, et des références. Bon d'accord, contacte-le. Et puis, il n'y a pas d'ascenseur, et ça, c'est bon pour mes jambes. Nous revoilà, je tiens à faire une petite parenthèse. Okay. Par exemple, les prix... qui sont mentionnés ici dans le dialogue, sont réalistes. Hein. C'est vraiment... Ah, très cher. Très cher, ouais. Je ne veux pas que les auditeurs pensent que ce sont des prix irréels. Ça a l'air irréel, pourtant, 30 mètres carrés, 1200 euros, eh bien, on voit ça à Paris. C'est astronomique, quand même. Ouais. On va voir un peu comment ils décrivent les appartements. Ok. Alors, le premier est situé, donc, métro Arts et Métiers. Ok, ça commence avec le métro. C'est ça, oui. C'est souvent comme ça, quand on lit une annonce, pour le situer géographiquement dans Paris, on donne le métro souvent. Parce qu'il faut savoir que quand même, il y a pas mal de gens à Paris qui se déplacent par métro. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça donne une indication immédiate. Alors, on voit que cet appartement est situé dans un immeuble ancien. Ok. Cela veut dire que l'immeuble est vieux? Voilà, ça veut dire qu'il va tomber en poussière. Oh non. Non, pas du tout. Quand on veut dire un immeuble ancien, ça veut dire que c'est un immeuble de style. Ok. Qui est beau, un immeuble d'époque. Ah. Alors cela veut dire que c'est un immeuble charmant avec un peu d'histoire. Tout à fait, oui. Ok. Et sinon, si l'immeuble n'est pas charmant, alors ils mettent rien. Et s'il est mentionné, d'accord, c'est un bon point normalement. Alors, on voit que c'est un appartement sur cour. Et qu'est-ce que cela veut dire sur cour ? Bien, ça veut dire qu'on a une vue sur une cour intérieure ou extérieure. Généralement, c'est des cours intérieures des immeubles. C'est le contraire de donner vue sur la rue. C'est bien ça, oui. Okay. Et d'ailleurs, il y a un film très célèbre. Tu connais le film d'Alfred Hitchcock ? Lequel ? Rear Window ? Rear Window. La traduction en français, c'est comme ça qu'il a été traduit en français, ça s'appelle Fenêtre sur cour. Ok. So the courtyard window. Voilà. Et donc, cet appartement a 2 pièces. 2 pièces. En anglais, on dit one bedroom. Mais en français, on dit 2 pièces. Et ça comprend le salon et puis la chambre. C'est ça. Donc, on sous-entend qu'il y a, bon, évidemment, une chambre. Et la seconde pièce, donc, on aura le salon. Parce que, bon, 30 mètres carrés. On ne peut pas avoir beaucoup de pièces dans 30 mètres carrés. Alors, c'est au 3e étage. Okay. Il y a un digicode. Digicode, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça te permet d'ouvrir la porte principale en bas. Okay. Généralement, quand tu entres dans le bâtiment... Mm-hmm. C'est un code de sécurité, en fait. OK, au lieu d'avoir la clé. Au lieu d'avoir une clé, exactement. Exactement, oui. OK. Un interphone également. Ooh. Ça évite de descendre. Kitchenette, salle de bain, WC indépendant. Qu'est-ce que cela veut dire, WC indépendant? Ça veut dire qu'il ne se trouve pas dans la salle de bain. Oh yes, this is very interesting. French people like to have their toilets apart from the bathroom. Oui. Pour moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était un peu bizarre, je croyais. Ah bon? T'as trouvé ça étrange? Ouais. Ok. C'était étonnant. Ouais, un peu. Ouais. Non, ça arrive fréquemment. Ok. Ouais. Bon, et après, il y a un lave-linge. Mm-hmm. Donc, comme on l'a vu, le loyer, par contre, c'est ça qui fait mal. Donc, 1 200 euros, quand on voit ça, évidemment, c'est par mois. Ouf. Plus charges. Aïe, aïe, aïe. Et les charges, comme par exemple l'eau, le gaz et puis l'électricité. Tout à fait, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, la jeune fille entend ça et elle n'est pas très heureuse. Elle dit quoi? 1200 euros sans les charges. En plus, elle dit, vu le temps que tu passes sous la douche, ce n'est pas une bonne affaire. Ok, let's take a look at this sentence. Vu le temps que tu passes sous la douche. So this is considering the time or given the time that you spend under the shower. Right. Right. And so we have this construction vu, que. C'est ça, oui. OK. So, considering or given the amount of time, you're going to make a comparison. Tout à fait, oui. Mm-hmm. And so here, the comparison is, c'est pas une bonne affaire. Exactement, oui. Ouais, parce qu'il passe beaucoup de temps sous la douche. Évidemment, et donc il va utiliser des litres et des litres d'eau mm-hmm. qu'ils vont devoir payer en plus du loyer de 1200 euros. Ouais. Ah là là. Dommage. Donc lui, il aimait bien puisque cet appartement se trouve dans le quartier du Marais. Ah, le Marais. Oui, un quartier formidable de Paris. Absolutely. Now, if you look up in your dictionary, le Marais, it would be the swamp. But in Paris, it's not the swamp. Pas vraiment, non. C'est l'été avant. OK. Il y a longtemps. Il y a des siècles. Oui. Mm-hmm. Mais ils ont été asséchés. Ça a gardé le nom du Marais. Mm-hmm. Mais évidemment, maintenant, c'est totalement différent. C'est en plein centre de Paris. Oui. C'est entre le 3e et 4e arrondissement. Mm-hmm. C'est vraiment, comme ils disent, un quartier animé. Mm-hmm. Énormément de bars, de restaurants. C'est un quartier avant où il y avait la communauté juive. Mm-hmm. Elle était très présente avant, un peu moins maintenant, mais encore. Encore. Communauté chinoise. OK. Et une grande partie de la communauté homosexuelle de la capitale également. OK. Donc, c'est très animé. Ouais. Alors, déception, mais bon. Il y a un autre choix, autre possibilité, métro Javel. Starting with the metro again. Oui, mm-hmm. toujours un immeuble ancien, toujours deux pièces. Donc ici, il est marqué entièrement meublé. Meublé, so furnished. Oui, toujours 30 mètres carrés, entrée, séjour, cuisine, salle de bain, WC séparé. Attends, séjour, c'est la salle de séjour. Oui, ok. C'est la même chose que le salon, okay. Ou bien on peut dire aussi le living. Le living, oui. Séjour. Donc là, par contre, sont au 5e étage, sans ascenseur. Aïe. Ouais, ça. Non. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un interphone, un gardien. Oh. Quand on parle d'un gardien dans un immeuble à Paris, souvent, la personne vit dans l'immeuble. Mm-hmm. C'est toujours une bonne chose d'avoir un gardien dans l'immeuble. Okay. Donc cette fois-ci, 900 euros, charges comprises. Ok, beaucoup moins cher. Le loyer est déjà 300 euros moins cher, mais en plus, il n'y aura pas de soucis concernant les factures d'électricité ou de gaz. Et en plus, il y a un petit balcon avec vue sur la tour Eiffel. Oh. C'est magnifique. Donc évidemment, la réaction normale à Paris, quand on entend ça, c'est de dire « ça a l'air trop beau pour être vrai ». Ah, la phrase clé. Oui. Ça a l'air trop beau, so it seems too good. When you want to say that something seems something else in French, you're going to use this expression, ça a l'air quelque chose, so that seems like. Okay, so here it seems trop beau. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Oui, on peut aussi employer l'expression c'est trop beau pour être vrai. Les deux sont valables. Okay. Donc elle est un peu sceptique et elle dit c'est un peu loin de mon boulot. Okay, son travail. Exactement, c'est la même chose. Mais bon, moi je crois qu'il a raison ici, il ne faut pas faire la difficile. Mm-hmm. Don't be so difficult, right? Ouais. C'est un quartier sympa. C'est vrai que moi je connais ce quartier Javel, cette station de métro est juste à côté de la Seine, donc c'est joli. Ok. Et donc ça vaut au moins la peine qu'on y jette un coup d'œil. Ok. Jeter un coup d'œil, this is to have a look. Oui. Ok. C'est l'expression. Mm-hmm. Literally, it's to throw a glance or to throw an eye blow. All right. And he says, ça vaut au moins la peine. It's worth the effort. It's worth it at least, no? Ça vaut au moins la peine qu'on y jette un œil. Now, whenever you start a sentence with ça vaut la peine, the following clause is going to be in the subjunctive. C'est bien ça, oui. Okay, now that jette is subjunctive, of course. So in this case, you can't tell it's subjunctive because it's a regular ER verb, no? Ouais, jeter. Tout à fait. Mm-hmm. But it is subjunctive. It is. Parce que maintenant, tu vois, si on prenait un autre verbe comme faire, mm-hmm. par exemple, on pourrait dire « ça vaut la peine qu'on fasse un détour ». Voilà. Et là, on entend bien que « fasse », c'est la forme subjonctive du verbe « faire mm-hmm. ». Encore un autre exemple serait, ça vaut la peine qu'on prenne des cours de français avec FrenchPod. Ok. Qu'on prenne. Encore le subjonctif ici. Okay. Et un autre avantage de cet appartement, c'est qu'il est à deux pas du RER et du métro. Ok, l'expression là est être à deux pas. Oui. Ok, literally, to be two steps away from. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est juste à côté. Ouais. Et là, on aborde un sujet qui est important, c'est la caution. Okay. De combien elle est. La caution, that would be the deposit. Ouais. Donc, on voit ici que le propriétaire. Oui, c'est un diminutif en fait. Mm-hmm. Mais le ça proprio. Veut dire exactement la même chose. Ok. Et donc, il demande une caution de 2 mois. Ouf. Bon, généralement, c'est ça. Hein. Parfois, il demande même 3 mois. Mm-hmm. Je trouve que 3 mois, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est trop. En général, c'est 2 mois et des références. Ok. Tu vois, c'est pas scandaleux, c'est normal de demander ça. Donc, elle dit d'accord, contacte-le. Et même s'il n'a pas d'ascenseur, mm-hmm. Eh ben, ça lui fera un peu d'exercice. All right. Bon, nous, on va faire de l'exercice pour notre cerveau et on écoute le dialogue à nouveau. Ok. Métro Arrêt Métier. Situé dans un quartier animé, dans un immeuble ancien, appartement sur cour. 2 pièces, 30 mètres carrés, 3e étage avec ascenseur, digicode, interphone, kitchenette, salle de bain, WC indépendant, lave-linge. Loyer, 1 200 € plus charge. Quoi ? 1 200 € sans les charges ? C'est trop cher. Vu le temps que tu passes sous la douche, c'est pas une bonne affaire. Dommage, l'emplacement était idéal. Dans le Marais, en plein centre de Paris. Bon, d'accord. Écoute ça. Métro Javel, dans un immeuble ancien. 2 pièces, entièrement meublées, 30 mètres carrés, entrée, séjour, cuisine, salle de bain, WC séparé, 5e étage sans ascenseur, interphone, gardien, 900 € charges comprises. Et le petit plus, petit balcon avec vue sur la tour Eiffel. 900 € charges comprises ? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Et puis, Javel, c'est un peu loin de mon boulot, tu trouves pas ? Oui, mais bon, tu ne vas pas faire la difficile. Et c'est un quartier sympa, ça vaut au moins la peine qu'on y jette un coup d'œil. Surtout que l'appartement est à 2 pas du métro et du RER. Et la caution ? De combien elle est ? Le proprio demande une caution de 2 mois, et des références. Bon d'accord, contacte-le. Et puis, il n'y a pas d'ascenseur, et ça, c'est bon pour mes jambes. Ce dialogue est très réaliste, JP, franchement. Okay. Ouais, c'est vraiment des chiffres mm-hmm. qui correspondent à la vie à Paris. Uh-huh. C'est très difficile de trouver un appartement. Mm-hmm. Tu as eu une expérience pareille à Paris, quand même. Un peu, oui. Enfin, j'ai eu la chance de ne pas devoir chercher l'appartement. Mm-hmm. Mais par contre, quand je vois comment est décrit l'appartement ici, mm-hmm. ça ressemblait vraiment encore que le mien était plus petit. Oh. Ouais. 14 mètres carrés. Oh non. 6e étage. Ouf. Sans ascenseur ? Sans ascenseur. Oh non. À deux. Je peux jurer, JP, que quand t'as oublié quelque chose quand tu fais des courses, eh ben tant pis, tu te débrouilles sans. Yeah. Chaque personne qui vient dire bonjour à ton appartement, mm-hmm. elle dit la même chose quand elle arrive. Ah bah c'est haut. Et y a pas d'ascenseur ? Non, y a pas d'ascenseur. Et c'est à peu près les mêmes gammes de prix. Mm-hmm. Et le pire, c'est que je vivais avec mon cousin. Ok. Et il m'avait expliqué que quand il cherchait, mm-hmm. il avait vraiment dû se battre pour avoir cet appartement, tu ah vois. Ah oui. Ah oui, 14 mètres carrés, au 6e étage sans ascenseur, il y avait une file de gens qui essayaient de l'avoir, énorme. Je crois qu'il m'avait dit que c'est au 6e étage, il y avait des gens qui attendaient jusqu'au 3e étage. Mmh, waouh. Dans les escaliers. Et heureusement, il a gagné. Et heureusement, il l'a eu, ouais, il a gagné. Mm-hmm. Donc, il a réussi à convaincre le proprio ouais. qu'il avait le meilleur dossier grâce à ses références, parce qu'il avait dû ramener une fiche de salaire, une lettre de son boulot pour dire qu'il était bien employé, depuis combien de temps. Tout un dossier, quand même. Tout un dossier, exactement. Mm-hmm. Fiche de salaire de ses parents, quelque chose de fou. Et c'était où, l'appartement ? Alors, c'était dans le 14e arrondissement. Mm-hmm. C'était métro Pernetti, dans le 14e arrondissement. Ah. Très joli quartier aussi, un quartier animé. Mmh. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié toutes les références à Paris dans cette leçon. Si vous avez quelconque anecdote concernant un voyage que vous avez effectué dans la capitale, n'hésitez pas à venir les partager sur la page de discussion frenchpod.com. On s'y retrouve comme d'habitude. Merci beaucoup, au revoir. À la prochaine.